emmène des vies de fous de merde. Tout seul on se démerde, y'a personne pour nous aider à part nos mères. On mène des vies de fous de merde. Tout seul on se démerde, y'a personne pour nous aider à part nos mères. On mène des vies de fous de merde. Je rappe pour mes frères au quartier, c'est la merde. Je rappe pour les frères innocents qu'on enferme. Je me confie peu quand je vais mal, je me renferme. Je suis pas très sain, je suis si proche de l'enfer. Dans l'illicite, non, j'ai pas cartonné. Oui, des plaquettes, j'ai dû en charbonner. Y'a une époque où je suis le frère, j'étais abonné. Je sais pas si tu vas pouvoir me pardonner. J'ai pas reçu, mais j'ai tant donné. Là, je suis pas très bien étant donné. Que tous mes soucis se cramponnaient. Je suis dans la merde, faut se cramponner. Y'a ceux qui grattent, y'a ceux qui se battent. Y'a ceux qui prient et ceux qui se mettent à battre. Ceux qui vivent à la spat, ceux qu'on abatte. Ceux qui se lèvent tôt pour qu'on bute en appart. Je cherche du bonheur, mais ici, y'en a pas. Je crois que le diable nous a pris comme un pas. Nous a fait croire qu'on peut prendre la part. On fait crever d'une vie qu'on n'a pas. D'une vie qu'on n'a pas, qu'on n'aura jamais. Ne m'en veux pas si je verse une larme. Depuis petit le mal nous a charmés. Ne m'en veux pas si je baisse les armes. Et je baisse les stars dans votre game. Je suis pas comme vous, je vous laisse dans votre tel. Je reste très loin de vos soirées mondaines. Trop de défauts, j'ai rien d'un modèle. Et je réserve l'hôtel, si t'as la dalle. Je te mets un coup un peu comme Nadal. MARS c'est ma ville natale. Dans le quartier les chemises rentrent à balles. Fais tes prières pour pas qu'on te rafale. Si tu balances on te met dans la malle. Je préfère pas dire comment j'ai mal. J'en ai marre de tout, je veux me faire la malle. Et les frères tombent dans le vice très tôt. On rêve tous du salaire des taux. Mais c'est pas pour nous, ici c'est le ghetto. Ici c'est le ghetto, on suit au pédo. Frérot, n'écoute pas les gens. Ça parle d'un carafal dans les champs. Mais rien à foutre, je vais être une légende. J'enne pas en bourse sur les champs. Je traîne à pas dans les quartiers sud. Je me sens traqué, pisté par les stupes. J'ai trop la haine quand je croise des buts. J'ai marre des buts, et ouais quand je débute. Je peins un ancien riolage des buts. On mène des vies de fous de merde. Tout seul on se démerde. Y'a personne pour nous aider à part nos mères. On mène des vies de fous de merde. Tout seul on se démerde. Y'a personne pour nous aider à part nos mères. On mène des vies de fous de merde. Tout seul on se démerde. Y'a personne pour nous aider à part nos mères. On mène des vies de fous de merde. Tout seul on se démerde. Y'a personne pour nous aider à part nos mères. On mène des vies de fous de merde. Range des billets contrôlés. Tu en as pas de voler les. Parce que je sais que la vie chaude elle est. C'est Gibson mon cousin. T'as la fume. Tes potons ne les lâche pas.